Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous, Séraphine Hakizimana assure la mise en onde. Je parle sous le contrôle de Francine Ndéokougaï. Voici les grands titres de ce journal. 18 novembre 2002, 18 novembre 2016, cela fait exactement 14 ans que nous sommes à votre service jour et nuit. Nous faisons tout notre possible pour faire reculer les frontières de la rumeur et de la désinformation et surtout à promouvoir la réconciliation à travers le dialogue et non par la force. D'où notre devise, le dialogue vaut mieux que la force. Des félicitations et des encouragements n'ont cessé de nous parvenir et bien entendu des suggestions. Aujourd'hui, vous suivrez le ministre de la Communication ainsi que le vice-président du Conseil national de la Communication. Et nous avons eu notre manière de célébrer cet anniversaire en apportant un soutien matériel à des déplacés. Ceux du site de Tchachi, en commune Bugarama de la province Rumonge, nous appellerons un de nos confrères qui se trouve là-bas. Et c'est dès le début de ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, alors que votre station de radio Isanganiro célèbre ses 14 ans d'existence ce 18 novembre, nous avons choisi de célébrer cet anniversaire en nous joignant aux personnes ayant perdu leurs habitations dans les intempéries de Nyaruhongoka, aujourd'hui déplacées à Tchachi. C'est en commune Bugarama de la province Rumonge. Alors, nous sommes en direct avec notre consoeur Mireille Kanyange. Mireille, bonjour. Bonjour Jean Bosco. Dites-nous, dans quel état avez-vous trouvé ces déplacés? Qu'est-ce que vous leur avez apporté? Oui, Jean Bosco, comme vous venez de le dire, nous sommes maintenant au site de Tchachi, se trouvant en commune Bugarama de la province Rumonge. C'est un site composé de 135 ménages. La radio Isanganiro a choisi d'assister ces déplacés qui ont été déplacés à cause de la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Nyaruhongoka. C'était au mois de mars 2015. Je vous dirai, Jean Bosco, que ce site de Tchachi est situé à quelques mètres des eaux du lac Tanganyika et de surcroît en bas des montagnes. C'est justement cette situation géographique de ce site de Tchachi que la radio Isanganiro a choisi de les assister afin de porter plus loin sa voix pour qu'une autre place soit aménagée pour ses habitants. Eh bien, l'assistance est composée de farine de manioc, du riz, des savons, des seaux, des choses. Et cette activité a été facilitée par certaines compagnies, notamment la société Interpetrol, Savon Nord, UCAR, Bicor et Connect Léo. Alors Mireille, dans quel état avez-vous trouvé ces déplacés? Donc, ils sont là, maintenant ils ne pleut pas, ils disent nous voulons quitter cet endroit, ils attendent de l'assistance de partout ailleurs, ceux qui peuvent les assister. Ils sont là, ils ne sont pas allés dans les champs, ils sont nombreux à venir à accueillir à l'assistance de la radio Isanganiro, ils apprécient cette assistance. Merci Mireille pour tous ces détails sur ce déplacement de la radio Isanganiro en faveur des déplacés du site de Tchachi en commune Bugarama de la province Rumonge. Je vous le disais, la radio Isanganiro a déjà abattu un travail important qui a servi le pays. Cela est confirmé par Nestor Bangomukunzi, c'est le ministre en charge de la communication. Il dit que ces 14 ans devraient être un départ pour une orientation des émissions pour mettre en avant des sujets qui ne sont pas souvent traités, comme l'agriculture pour le développement de la population. Suivez le ministre Nestor Bangomukunzi. Il était au téléphone avec Alida Ndaïkedz. Je voudrais d'abord adresser mes vifs et sincères remerciements à la radio Isanganiro pour le travail déjà abattu durant les 14 ans, travail assez important qui a servi le pays. J'apprécie positivement de façon globale le travail qui a été réalisé par cette radio. Je profite donc de l'occasion pour faire un clin d'œil à la radio pour qu'elle corrige là où tout n'a pas bien marché comme souhaité. J'exhorterai les responsables à assurer un encadrement de proximité des journalistes il arrive que certains journalistes pêchent par ignorance, pêchent par manque d'encadrement. Il faudrait donc que les responsables de cette radio assurent un encadrement de proximité pour tous les journalistes, afin que la radio Sanganiro fasse un pas de plus quantitativement et qualitativement au niveau de ses prestations. La radio Sanganiro, comme les autres d'ailleurs, gagnerait à multiplier des émissions, des informations en rapport avec des questions économiques, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la politique vole la vedette aux autres secteurs, alors que la plupart des gens qui suivent cette radio ont certes besoin de l'information politique, mais aussi ils ont besoin d'avoir des informations qui les aident à se développer. De la pauvreté se remarque ici et là au Burundi. Nestor Bangomokunzi, c'est le ministre en charge de la communication et le Conseil national de la communication appelle les administratifs à donner de l'information en temps réel et aux journalistes à travailler dans le strict respect de la loi. Le vice-président du CNC, Gabriel Bihomugani, le dit au moment où la radio Sanganiro souffle ses 14 bougies ce vendredi 18 novembre. Il la félicite pour son implication dans la recherche de la paix pour le pays et annonce même que le CNC va voir les modalités pour la reprise de l'émission Karadiri Dimba sur la même station. Suivez Gabriel Bihomugani au micro de Léonce Vitario. Particulièrement la radio Sanganiro, selon sa ligne éditoriale, c'est une radio de paix. Une radio de conciliation. La radio Isanganiro œuvre dans la recherche de la paix, dans la réconciliation des Burundis, suivant ce qui s'est passé au Burundi depuis les années passées. C'est pour cette raison que nous saluons l'action de la radio Isanganiro dans la réconciliation des Burundis. Un conseil peut-être ou des conseils à donner à cette radio? C'est un seul conseil en rapport avec la diffusion. La diffusion, de temps en temps, il y a de petites erreurs qui se glissent lorsque on est en train de diffuser soit une émission, soit des informations. C'est pour cette raison que même l'émission Karadiri Dimba qui était fermée, comme pour montrer que le CNC est là pour corriger et non pas pour punir, nous allons s'asseoir ensemble au bureau du CNC pour voir si réellement nous pouvons faire quelque chose. Le CNC va voir ce qu'il faut faire. Côté administration, nous interpellons toutes les autorités du pays de se disponibiliser à donner une information en temps utile. Pour éviter que la rumeur prenne la première place, il faut alors donner la vraie information. Côté des journalistes, dans votre recherche d'informations et dans votre diffusion d'informations, essayez de le faire d'une façon légale. C'est-à-dire, si vous voulez chercher une information, les institutions de l'État disposent des porte-paroles. Parlez avec les porte-paroles. Ou si vous tenez à ce que vous tendez le micro à l'autorité concernée, le porte-parole va vous aider à chercher cette autorité. Et dans ce cas, il n'y aura pas de problème. C'était Gabriel Bihomugani, c'est le vice-président du Conseil national de la communication CNC. D'autres félicitations nous sont parvenues du parti APDR qui félicite la radio Isanganiro pour ses réalisations durant les 14 ans d'existence. Dans son communiqué, ce parti salue le professionnalisme des journalistes de cette station. Il les encourage à rester neutres dans leur métier de journaliste. Et précisons aussi que le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, c'est lui aussi joint à notre station pour la féliciter. Il a fait le déplacement jusque dans nos enceintes ce matin. Gaston Sindimo s'est donc rendu au siège de cette radio ici et a souhaité que la radio travaille toujours dans le respect de sa devise, à savoir le dialogue vaut mieux que la force. On continue de parler de la radio Isanganiro, je vous l'avais dit, qui a fait le déplacement à Tchachi, où 135 familles victimes des pluies torrentielles de mars 2015, habitant le site Tchachi de la commune Bougarama en Provence Romongue, demandent d'être mutées de cet endroit situé près du lac Tanganyika. Eh bien, notre confrère Placide Niomongere a visité ce site. Il a constaté les conditions dans lesquelles vivent ces déplacés. Voici son reportage. Nukuri twifuza ko bodukura aha hantu kuko ahantu haratubabaje cyane tuyitege impanuka. Sont certains habitants du site Tchachi de la commune Bugarama, situé à plus ou moins 20 mètres du lac Tanganyika. Dans cette place sont érigés 26 hangars subdivisés dans deux petites chambrettes, autant de nombre que de familles. Il y a des blocs de toilettes de 12 entrées chacune, ainsi que des douches auxquelles s'ajoutent deux robinets et trois cuisines communes. Le soir, à cet endroit, il fait froid Kuwa, ce qui découlerait de cet emplacement, explique ses habitants. Nous avons des enfants. Souvent, ils vont dans le lac. S'ils sont là-bas, nous restons peureux. Nous ne savons pas si c'est à cause de ce lac. Le soir, il fait très froid. Nous tremblons toute la nuit. On dirait que nous sommes dans l'eau. Ces chambrettes ne sont pas proportionnelles à la taille des familles. Certaines, à grande taille, se voient obligées de demander là où une partie de leurs enfants passe la nuit en dehors du site, ce qui ne favorise pas leur encadrement. Si la famille comporte 8 enfants, 3 sont envoyés chez leur oncle ou voisin. Le soir, ils se ravitaillent ici pour joindre l'autre famille par après. Cela veut dire que si l'enfant n'est pas avec son parent, il est difficile de savoir ce qu'il fait là où il passe la nuit. Bientôt, ces habitants vont totaliser une année dans ce tchachi. Les objets qu'ils avaient eus de la part des bienfaiteurs sont déchirés, ajoute-t-il. Les tentes sont déchirées. S'il pleut, ça suinte et nous passons la nuit debout. Les couvertures deviennent trop mouillées à leur état de vieillesse et les moustiquaires aussi. L'assistance en vivres de certaines organisations affiche souvent un retard et le non-accès aux soins de santé amplifie une vie difficile dans ce site, enchérisse-t-il. Le premier problème, c'est la famine. En plus, si un enfant tombe malade ou un adulte, nous éprouvons beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas de moyens pour nous faire soigner. Nous restons ici comme ça. Ces familles réunies demandent d'être imitées de ce site à n'importe quel endroit où ils retrouveront une vie aisée. Nous ne sommes ici. Personne n'a là où il peut cultiver. C'est la raison pour laquelle n'importe quel endroit que l'État peut nous donner, nous sommes à mesure d'accepter ça. Parce que nous n'avons pas là où nous pouvons construire d'autres maisons ou là où nous pouvons cultiver. Oscar Ndikumenayo, le conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales dans la commune de Bugarama, dit que 100 ménages les plus vulnérables par billet de la province Rumonge ont été identifiés pour être admis dans les villages de paix de cette province. Nous avons une promesse que ces déplacés peuvent être déplacés dans les villages de développement situés dans la province de Rumonge, en particulier dans la commune Rumonge, Bouyengelo et Boulam. On a déjà identifié les 100 ménages plus vulnérables que les autres et on va chercher aussi d'aide pour que les autres soient déplacés par après. Le site Chachi date du 25 janvier de l'année en cours et héberge une partie de la population victime des pluies torrentielles qui se sont abattues sur les collines Kiwingo, Rutunga et Nkuba au mois de mars 2015 et compte aujourd'hui 1063 personnes réparties en 135 familles. Et une autre partie de cette population étant dans le site Gitaza de la commune Muhuta de la même province de Rumonge. Merci Placide Niongongere pour ce reportage. Et la Croix-Rouge dit avoir déjà eu une place située sur la colline Gakungwe de la zone Kigwena, dans la province même de Rumonge, qui accueillera 400 familles de ces ménages des sites de Tchachi et Gitaza et que la Croix-Rouge est prête à bâtir 200 parcelles. Alexis Manerakiza, porte-parole de cette organisation, demande aux autres organisations humanitaires d'apporter leur pierre à l'édifice pour que ces familles retrouvent une vie aisée. Suivez Alexis Manerakiza, c'est le porte-parole de la Croix-Rouge au téléphone avec Placide Niamongere. Nous sommes aux côtés de ces vulnérables. Nous avons aujourd'hui cette chance que ce que nous avions toujours voulu avoir, nous avons eu le terrain à Gakungwe. 400 parcelles pourront être aménagées et la Croix-Rouge du Bondi est prête à construire 200 parcelles. C'est-à-dire que les gens qui sont sans abri aujourd'hui, du moins à abri décent, en chez-soi, à Tchachi comme à Gitaza, pourront être délocalisés. Mais 200 maisons, ce n'est pas suffisant par rapport à l'effectif qui doit être délocalisé. Nous en appelons à d'autres humanitaires comme la Croix-Rouge pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que finalement ces gens puissent être relogés. Ils éprouvent un problème lié à l'accès aux soins de santé. Est-ce que la Croix-Rouge est en train de faire quelque chose pour veiller à la santé de ces personnes et regrouper ensemble? La Croix-Rouge du Bondi fait partie de la plateforme nationale qui est composée d'autres acteurs humanitaires. On a fait un appel à tous les acteurs humanitaires pour que nous puissions faire quelque chose dans le sens de ne pas empirer la situation. Alexis Manirakiza, c'est le porte-parole de la Croix-Rouge Burundi. Il est 13h15 à Bujumbura et à Tchachi, en commune Bugarama de la province Rumonge. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les journaliers chargés de la propriété en mairie de Bujumbura réclament leurs 3 mois d'arriérés de salaire. Les conséquences dues à ces impayés de salaire commencent à se manifester dans leurs familles respectives, comme la résiliation de leur contrat de bail. Ils demandent aux autorités de la mairie de leur payer cet argent. Le maire de la ville de Bujumbura indique qu'il va s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Evrar Havyarimana, reportage. Ces journaliers ont fait un sit-in devant les bureaux de la mairie de Bujumbura en vue de réclamer leur salaire de plus de 3 mois. Un de ses représentants indique que les bailleurs commencent à résilier les contrats de leur maison, ce qui choque de plus ces journaliers. Ils arrivent même à manquer de l'argent pour se faire soigner, a-t-il ajouté. Je suis parmi les journaliers chargés de la propriété à mairie de Bujumbura. Nous avons été engagés par la mairie. Comment nous pouvons passer de 3 jusqu'à 4 mois sans percevoir notre salaire? Nous arrivons à un point où nous n'arrivons plus à payer le loyer. C'est choquant. Une autre femme parmi ces journaliers chargés de la propriété en mairie de Bujumbura souligne qu'une de ses collègues a rendu son âme suite au manque de l'argent de soins de santé. Mercredi passé, suite à ce manque de frais de santé, une des personnes parmi nous a rendu son âme. Il est temps donc que les autorités nous régularisent. Ces journaliers demandent aux autorités de la mairie de Bujumbura de leur octroyer cet arriéré salarial. Contactés à propos, les autorités de la mairie indique qu'ils vont s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Merci Evrard. Précisons qu'il n'a pas été du tout facile à notre confrère de recueillir ces informations. Claude Evrard Havyarimana a été momentanément retenu par un officier de la police alors qu'il interviewait une de ces personnes lésées avant d'être relâché sur intervention du maire de la ville de Bujumbura. Et puis, toujours en mairie de Bujumbura, une commission chargée d'étudier la question des parcelles des habitants du quartier Buterere 1, cellule 3, mairie de Bujumbura, va être mise sur pied. Cette annonce a été faite lors d'une visite effectuée ce vendredi par le premier vice-président de la République, Athanase Nizigimana, représentant de ses habitants, explique qu'ils ne sont pas contre les projets de développement, mais que ce qu'ils ne veulent pas, c'est que leurs parcelles soient spoliées par des inconnus. Yves Onzimana. Ce sont les habitants du quartier Buterere, après avoir entendu les paroles prononcées par son Excellence le premier vice-président lors d'une visite qu'il a effectuée ce vendredi matin dans cette zone. Selon le représentant de ce quartier, les mots prononcés par le premier vice-président les a tranquillisés et indiquent qu'il a affirmé qu'une commission chargée d'étudier cette question va être mise en place. Athanase Nizigimana. Le mot prononcé par son Excellence, le premier vice-président nous a tranquillisés. Selon lui, une commission chargée d'étudier cette question sera mise en place, composée des représentants de la zone Buterere, c'est de la commune Nahangwa, c'est de la mairie, c'est de l'urbanisme et 5 personnes représentant ses habitants. Il a également demandé que les malentendus entre les chargés de la sécurité et les habitants qui se sont observés ces derniers jours soient résolus. Son représentant indique également que la population n'est pas contre les projets de développement, mais demande qu'il y ait un dialogue entre eux et le gouvernement. Ces habitants du quartier Buterere 1, cellule 3, ont déterré et fait disparaître ce mercredi les bornes qui servaient de délimitation de leurs parcelles. Yves Ngonzimana, dans les nouvelles des Provences, un enfant a été tué, 2 autres grièvement blessés suite à une explosion de grenades survenue ce jeudi sur la colline Rubira de la commune Mhanda en province de Bubanza. Personne ne sait jusqu'ici la provenance de cette arme. Seulement, les autorités administratives et policières appellent les habitants qui détiendraient illégalement des armes de les remettre pour leur intérêt. Spes Caritas Cabagnana, reportage. Cette grenade a explosé ce jeudi dans l'après-midi à côté de la maison d'un certain Sinda Igaya Désiré, directeur de l'école fondamentale de Rubira en commune Manda et représentant du parti au pouvoir sur la même colline de Rubira. Ces 2 enfants et un voisin qui jouaient avec cette arme en ont été victimes et l'un d'entre eux a succombé sur le champ. Les 2 autres, grièvement blessés, ont été vite évacués vers l'hôpital. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore réellement si ces enfants auraient amené cette grenade de la maison de cet homme, comme le disent pas mal d'habitants de la colline Rovira, ou si elle aurait été piégée par des inconnus à l'extérieur de la maison. Les autorités administratives et policières appellent toutes les personnes qui détiennent encore une arme de la remettre aux instances habilitées. Même son de cloche chez le représentant de la CNAP, Commission nationale permanente de lutte contre les armes légères et de petit calibre. Emmanuel Nahandereye déplore le fait que dans 2 semaines seulement, 2 personnes sont mortes, 3 autres ont été blessées dans les communes de Rugazi, Manda et Gihanga, suite à ces armes. Merci Spé, c'est un jeune homme de 25 ans qui habite la colline Mutsinda. C'est dans la commune Songa en province de Bururi. S'est suicidé à l'aide d'une corde dans l'après-midi de ce jeudi. Des sources proches de sa famille disent que le corps de Ndaïche Mezetieri a été remarqué vers 16h, suspendu sur une corde dans sa chambre. La police et l'administration disent ne pas comprendre exactement les mobiles de ce suicide. Toutefois, des rapports à leur disposition disent que le défunt avait un problème mental. On reste dans le sud du pays pour vous dire que 3 personnes, dont 2 femmes et une jeune fille, toutes de Rutumo en commune et province Rumonge, sont dans les mains de la police judiciaire de Rumonge depuis le soir de ce jeudi. La police dit enquêter sur celle qui aurait empoisonné 5 écolières de Rutumo actuellement sur le lit d'hôpital. Jean-Pierre Misago pour les détails. Habonimana Speciose, Nziko Banyanga Berthe et sa fille Nduimana Jacqueline sont celles-là arrêtées puis retenues par la police de Rumonge le soir de ce jeudi. Leur arrestation est intervenue après que 5 écolières, toutes de la 6e année à l'école primaire de Rutumo, aient commencé à vomir avec malaise dans leur ventre après avoir consommé du manioc dit Imikembe, leur apporté par Jacqueline Nduimana, élève de l'école fondamentale Rutumo en 7e année. Cette dernière avait placé son manioc en attente chez Abonimana Speciose près de l'école primaire Rutumo afin de leur faciliter la consommation dans la récréation de 10 heures. Toutes les 5 écolières, parmi lesquelles celles de Abonimana Speciose qui ont consommé son manioc, ont été conduites dans un centre de santé privé de la place qui les a immédiatement transférés à l'hôpital public de Rumonge. Le directeur adjoint chargé de soins à cet hôpital a refusé qu'on les visite ce vendredi matin. Cependant, ceux qui les ont visités avant notre arrivée disent qu'à une exception près, les autres avaient recouvré le langage. La police à Rumonge dit s'activer à retracer l'origine de ce poison. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago et c'est sur ce reportage que nous refermons ce journal en vous rappelant que nous fêtons notre 14e anniversaire, 18 novembre 2002, 18 novembre 2016. Cela fait donc exactement 14 ans que nous sommes à votre service jour et nuit. Nous faisons tout pour notre possible pour faire reculer les frontières de la rumeur et de la désinformation et surtout à promouvoir la réconciliation à travers le dialogue. Et non par la force de notre devise, le dialogue vaut mieux que la force. Des félicitations et des encouragements nous sont parvenus et bien entendu des suggestions. Aujourd'hui, vous avez suivi le ministre de la Communication ainsi que le vice-président du Conseil de la Communication. Et nous avons une autre manière de célébrer cet anniversaire en apportant une assistance en vivres et en ustensiles de cuisine aux déplacés du site de Tchachi en commune Bugarama de la province Rumonge. Il est 13h23 à Bujumbura. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Francine Ndihokubgayo pour sa réalisation. La mise en onde a été assurée par Séraphine Hakizimana. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi à l'écoute de nos programmes.